6500, bonjour, 8e jour de ce mois de décembre et aujourd'hui on parle d'un jeu très très attendu, à savoir Kern avec Lauren Cadoureau. Comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci, et toi ? Ben ça va très très bien, très content de parler donc du prochain jeu de The Game Bakers. Avant de parler de Kern, on va faire un petit bilan quelque part sur The Game Bakers, savoir qui vous êtes, savoir combien vous êtes, comment l'équipe justement évolue dans cet environnement à quelques semaines, mois de la sortie de Kern. Ouais, bah du coup on est un studio montpelliérain qui existe depuis 15 ans maintenant. On est une vingtaine de personnes, on a fait 8 jeux à ce jour. Donc on est principalement connu pour Fury, qui était notre boss rush, qui est sorti en 2016, et Haven, qui était un RPG où on jouait un couple, qui est sorti en 2020. Et là, bah, du coup, on travaille sur Kern, qui est notre jeu de survie et d'escalade, avec une mécanique d'escalade qu'on veut et qui est très naturelle et très immersive quand on commence à grimper. Et donc, c'est le dernier jeu d'une trilogie que tu me présentais hier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette trilogie ? En effet, bah, du coup, c'est un peu le troisième jeu de notre trilogie sur la liberté, enfin, de différentes déclinaisons de la liberté dans le jeu vidéo. Donc, c'est-à-dire que dans Fury, tu as quelque chose qui est très littéral du fait que tu t'échappes d'une prison dans laquelle tu ne veux pas être. Dans Haven, tu as quelque chose qui est différent, qui est la liberté d'être avec la personne avec qui tu veux, ou tu t'échappes d'une société qui ne te permet pas d'être avec la personne que tu souhaites. Et dans Kern, tu vas être sur la liberté de dépasser tes limites et d'atteindre quelque chose qui est renommé impossible au travers de l'escalade de ce sommet qui est légendaire et qui n'a jamais été gravi auparavant. Comment vous est venue cette idée pour Kern ? Depuis combien de temps vous développez le projet ? Est-ce que, parce qu'on parle souvent de deux sources d'inspiration principales, à savoir Death Stranding et Breath of the Wild, lesquels de ces jeux vous ont inspiré, voire peut-être d'autres ? Alors, on a plein de choses qui nous ont inspirés. Death Stranding fait définitivement partie de nos inspirations dans cette exploration du mouvement et de quelque chose qui n'est pas si facile que ça d'abord. En fait, tu dois gérer ton équilibre, tu dois gérer ton chemin. En fait, le chemin que tu vas emprunter est très important dans Death Stranding, comme il l'est dans Kern, enfin, que tu vas chercher ta voie. Mais il y a plein de choses qui nous ont intéressés en dehors de seulement des jeux. On a été très inspirés par le documentaire Free Solo d'Alex Honnold qui parle du coup de l'escalade en solo intégral. Donc sans sécurité et sans corde. On a été très inspiré par le livre Vivre d'Elisabeth Revol, qui est la première femme française à avoir escaladé un pic de 7000 mètres. Et on a aussi été beaucoup inspiré par des histoires de parmi les devs. Donc par exemple, on en a parlé à l'annonce du jeu, en fait, le père de Audrey, qui est notre cofondatrice, qui était un alpiniste lui-même et qui a fait le K2 plusieurs fois. Il y a le K2 qui est particulièrement difficile et particulièrement dangereux. Et malheureusement, il y a eu un accident sur sa première ascension du K2. Et malgré cet accident et malgré toute la douleur et la peur que ça peut engendrer, il a voulu y retourner en fait et il avait ce besoin de réussir cette ascension. Et ça fait partie des choses qui nous ont motivés à faire ce jeu parce qu'on se demande qu'est-ce qui motive les alpinistes à se mettre en danger de telle façon et qu'est-ce qui fait qu'ils ont ce besoin d'y arriver malgré tout. On a parlé de Death Stranding, qui a une friction quand même très très importante. Lorsqu'on voit la démo de Kern, on remarque qu'il y a cette friction-là. Mais dans l'échange qu'on a eu en off hier, tu me disais, notre objectif c'était quand même d'être amusant pour le joueur. Comment on fait pour compenser les deux ? Ouais, alors en fait le but c'est que quand même quand tu commences à prendre le jeu à main, très naturellement et très intuitivement, tu arrives à jouer au jeu. C'est-à-dire que en fait, c'est assez simple, c'est très humain, tu vois un mur, tu as envie de le grimper, donc de suite tes objectifs ils vont s'aligner avec ceux du personnage et donc tu vas vouloir trouver toi-même comment grimper. Donc il y a une question de trouver ton équilibre, trouver ta voie, ce qui est déjà très fun parce que tout est grimpable en fait. Si tu acceptes les conséquences de tes actions, tout est grimpable et c'est super cool. Et en même temps, il faut réussir à permettre aux joueurs de faire ce qu'ils souhaitent, quitte à ce qu'il y ait des choses qui ne sont pas nécessairement 100% réalistes avec le monde de l'escalade. Par exemple, typiquement, tu as une plus grande amplitude de mouvement que beaucoup de grimpeurs. Elle est très souple, c'est en partie volontaire, parce que ce serait très frustrant pour un joueur de voir une prise et de ne pas pouvoir l'attraper, alors qu'une personne très très souple dans la vraie vie pourrait le faire, par exemple. On parle un peu de l'histoire de Kern. Est-ce que vous avez brodé justement une histoire autour de choses qui ont déjà existé ? On parlait de l'histoire de la cofondatrice du studio et de son père. Est-ce que vous êtes aussi référé à d'autres récits, comme par exemple ceux de Maurice Herzog, qui a lui aussi escaladé plusieurs chaînes de montagne ? Est-ce que ça a été justement une des inspirations de prendre appui sur la réalité pour établir quelque peu l'histoire et la cohérence de l'univers de Kern ? Ouais. Alors, je peux pas en dire trop parce qu'on n'a pas encore partagé énormément de choses sur l'histoire. L'histoire de Cairns, c'est l'histoire avant tout de Hava qui va du coup tenter ce sommet qui a jamais été gravi auparavant. Mais en fait, l'histoire de la montagne, elle a été là très longtemps avant Hava, en fait. Donc, on sait qu'il y a, on en parle dans la démo, en fait, il y a déjà 137 grimpeurs qui ont été perdus sur Kami. Et forcément, ces personnes-là, elles ont une histoire. Et s'ils ont été perdus sur Kami, on peut se douter qu'on verra encore des restes de leur expédition, en fait. Et quand on grimpe Kami, forcément, on va découvrir non seulement l'histoire d'Hava et l'histoire de son ascension, mais également l'histoire de la montagne et ce qui a pu être laissé par des grimpeurs auparavant. Donc il y a énormément de choses qui sont présentes et il y a des inspirations de la vraie vie, des histoires des grimpeurs. Et c'est très intéressant à découvrir parce que ça dépend vraiment de la façon dont on va grimper la montagne. Parce qu'on ne trompe pas forcément sur tout en fait quand on grimpe une montagne. Une dernière question, vous avez pris un petit peu plus de temps pour pouvoir sortir le jeu. Ouais. Pourquoi avoir justement délayé quelque peu Cairn alors que quasiment tout est fini finalement? Ben en fait, Cairn, c'est un projet sur lequel on est depuis 2021 et c'est un jeu qu'on adore et que beaucoup de monde a également adoré. Donc la démo, ça fait à peu près un an qu'elle est en ligne et on a beaucoup de monde qui y a joué et qui nous a dit qu'elle était incroyable. Et en fait, on a envie de lui donner vraiment le meilleur qu'on peut. Et le meilleur qu'on peut, c'est le sortir avec le moins de bugs possible, avec le plus de polish possible. Et pour nous, ça voulait dire que même si on avait atteint le content complete, du coup, il y a quelques mois, on voulait prendre ce temps pour que le jeu soit à son meilleur niveau parce qu'on l'aurait regretté toutes nos vies si on sortait un jeu qui n'était pas fini. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Laurane. On rappelle Cairn The Game Bakers. Du coup, ça sort au premier trimestre de l'année 2026, normalement. Et nous, bah, on se retrouve dès demain pour une nouvelle discussion avec un développeur ou une développeuse. À demain!